dress, take your best lipstick on a line up high. Baby, bien compris, c'est un morceau pour choper ça là, pour choper en discothèque.